Cours numéro 6. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man walah, amma ba'd. Qaddam ma'ana fi darsina al-akhir, fi hadhihi ar-risala al-nafi'ah, al-nasiha, al-rabbaniyah, fi al-radd ala al-mughtarrina bidu'at al-ilhad wal-madaniyya al-gharbiyya, li'al-imam al-allama, عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله أن من المهم parmi les choses très très importantes pour différencier entre الحق والباطل والكفر والإيمان والتوحيد والشرك pour bien différencier entre deux opposés il faut connaître leur fondement il faut connaître le حق avec ses fondements Et il faut connaître al-batil avec ses fondements. كما تقدم معنا اليوم في درس كشف الشبهات أن التوحيد c'est fondé sur النفي والإثبات أي نفي ما يعبد من دون الله عز وجل أي se désavouer et s'écarter de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah سبحانه وتعالى وإثبات أي adorer Allah عز وجل seul c'est ça التوحيد أما واحد qui adore Allah سبحانه مثلا في الصلاة في الحج في الصيام ثم يسacrifie pour un mort ثم quand son fils ou sa fille un de ses enfants il tombe malade il demande à Sidi Fulan et ربما il fait un vœu ربما il achète une bête et il sacrifie pour ce mort est-ce que هذا il a compris التوحيد أبدا est-ce que هذا التوحيد سيستفيد منه أبدا لماذا؟ لأن هذا التوحيد il est fondé sur ces deux piliers لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي personne ne mérite d'être adoré sauf Allah فالسلوي كي أدور الله سلام هذا إن شاء الله il est على خير يسيمر على هذا يسقى على خير يوم القيامة أما celui qui contredit هذا الأصل العظيم avec du shirk c'est d'aucune utilité pour lui كما قال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومن يشرك بالله ça englobe tous ceux qui font du shirk akbar du grand shirk Allah سبحانه وتعالى il leur a interdit le paradis même s'ils font salat même s'ils font siyam même s'ils nourrissent des pauvres même s'ils ont un bon comportement c'est d'aucune utilité لماذا لأن le fondement principal ils l'ont annulé عيادا بالله avec du shirk هذا c'est un exemple pour vous montrer أن التوحيد il a des fondements des bases des piliers وهكذا الكفر تقدم معنا في كشف الشبهات كذلك أن الشرك c'est donner des associés à الله سبحانه وتعالى في العبادة بعض الناس vu qu'ils n'ont pas compris هذا ils ont pensé que الشرك c'était le fait de prétendre que فلان c'est le créateur ils ont pensé que c'était ça الشرك Alors que là, هذا c'est une partie du shirk. لكن الشرك qui s'est propagé كثيرا c'est donner des associés à Allah في العبادة. فvu que مثلا عندهم ceux qui associent Allah dans l'adoration, pourquoi pour eux c'est pas trop grave? لماذا لأنهم ils disent لكن ils ont jamais dit que c'était des créateurs. Ils connaissent pas c'est quoi shirk. Ils auraient su c'est quoi shirk. Ils auraient compris anna kuffar quraish ils ont jamais prétendu anna leurs idoles c'était des créateurs قال عز وجل ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله si tu leur demandes qui c'est qui a créé les samawat wal ard ils diront Allah et dans l'autre verset ولا ان سالتهم من خلقهم أمم ils diront Allah عز وجل et beaucoup de versets تقدمت معنا في دروس التوحيد فالسلوي كي a compris ce fondement أن الشرك c'est الشرك في الربوبية et في العبادة et celui qui est propagé c'est الشرك في العبادة celui qui a compris هذا il va savoir c'est quoi الشرك il va s'écarter et il saura est-ce que tel groupe من الناس est-ce que c'est des موحدون أو des مشركون إلى آخره أما celui qui ne connaît pas هذا il suit les gens فقط Les gens, ils ont dit que telle chose c'était du shirk, c'est du shirk. Les gens, ils ont dit telle chose c'était bien, c'est bien. Si il est entouré de mauvaises personnes, ça peut le conduire à sa perte de suivre les autres. لهذا الشيخ السعدي رحمه الله هنا il a insisté pour conseiller هذا الرجل de bien connaître les fondements. L'islam s'est fondé sur le tawhid, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-kuffar, leur fondement c'est de ne pas croire en هذا الرب. Si on parle de ce genre ou cette catégorie de kuffar qui est visée dans cette risale, ay al-malahida, ay les kuffar de notre époque, كثيراً ils sont à la هذا. حتى الرب, حتى توحيد الربوبية que kuffar Quraysh ils ont reconnu, هؤلاء عندهم, il n'y a pas de créateur. Pour eux c'est la nature. هذا c'est du kuffar, kuffar عظيم. Enfin, si tu as compris هذا, comment après tout cela tu vas aimer هؤلاء. Le Rabb que tu aimes, et que tu adores, tous les efforts que tu fais, ha'oula la yu'minun bi. Bel, ils l'insultent, ils se moquent. Ou ils insultent son messager. Ou ils se moquent. Ou ils insultent le Coran. Ou ils se moquent. Hakif, ha'oula indak, ils auront un rang. Abadan. Ha'oula, celui qui a compris son din, automatiquement il va les détester. Fillah azza wa jalla. Automatiquement il ne va pas leur faire confiance. Kif, il va faire confiance à ha'oula. Al-khawana. هؤلاء ils ont pas voulu adorer Allah عز وجل, ils se moquent de رب العالمين. فكيف أنت أيها المؤمن tu vas leur faire confiance? أبدا. الكافر c'est un مجرم. الكافر il a pas réussi et il a pas voulu se soumettre à Allah, il a pas voulu adorer Allah عز وجل alors qu'il a été créé que pour ça. فكيف أنت tu vas lui faire confiance? الكافر لا يستحي. الكافر il a pas de أمانة. أبدا. خانوا الله وخانوا الرسول. Ils ont pas adorer Allah Azza wa Jalla, ils n'ont pas voulu croire en son messager. Fakif bi ant. Annahum, ils vont te faire confiance, ou tu vas leur faire confiance. Annahum, il y aura de l'amitié entre toi et eux, de l'amour. Ayyadam billah. Le dars précédent, il était très très important pour montrer les fondements de l'islam et les fondements du kufr. Thumma qal, rahimahullah, walau sabarta hasila ma alayhi ru'asa'uhum. لرأيتهم قد اشتغلوا بشيء يسير من علوم العربية وترددوا في قراءة الصحف التي عليها أو على مشربهم. Pour comprendre هذا الكلام, bien sûr, il faut faire le lien avec le point précédent, أي le dars de mardi. أي الشيخ سعدي رحمه الله dans cette رسالة, il a démontré أن هؤلاء المبطلين المجرمين الكافرين ils prétendent connaître l'islam. Belle, à notre époque ils veulent montrer aux autres c'est quoi l'islam, l'haq. Ils prétendent à l'islam c'est l'islam de la tolérance, l'islam de la république, l'islam de France, tout ce bâtel. Cheikh Saadi il te montre rahimahullah كيف tu vas faire confiance à haoula et eux-mêmes ils n'ont pas appliqué l'islam, et كيف on va prendre notre din de haoula alors qu'ils n'ont jamais étudié. Un musulman, si c'est un abd, il aime Allah Azza wa Jalla, il fait beaucoup d'efforts dans l'adoration, s'il n'a pas fait des efforts dans l'ilm, on ne prend pas l'ilm indah. Limadha? Lianna faqid al-shay la yu'tih. Quelqu'un qui ne possède pas une chose, il ne va pas te la donner. Même s'il a une bonne intention, ça reste notre frère musulman, il a akhiré. Lakin quand c'est l'ilm, fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. On revient à ahl al-ilm. Et ce musulman, on l'aime fillah, c'est notre frère, il a akhiré. Lakin on va pas aller lui demander une chose qu'il ne maîtrise pas. Est-ce que si tu tombes malade, tu vas aller vers ton frère musulman qui n'a jamais étudié la médecine et tu vas lui demander de t'ausculter la akhirah? Malgré que c'est ton frère, et peut-être que ça le rend triste que tu sois malade, peut-être qu'il voudrait que tu sois guéri, là, qui ne sait pas son domaine. Quand on est malade, on va voir les médecins. C'est tout simple. On revient à haoula al-mujrimin, ils vont nous montrer notre din. Ma annahum kafaru. Et tu sais que هذا العلم سبي توفيق الله. سبي توفيق الله, اي c'est lié à taqwa, c'est lié à ta'a. Celui qui fait des efforts, inshallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne min هذا العلم. فكيف هؤلاء كفار انهم سيوفقون في العلم. Après tout cela, قال الشيخ سعدي ولو صبرت حاصل ما عليه رؤساؤهم لرأيتهم قد اشتغلوا بشيء يسير من علوم العربية. اما à notre époque, nous, ça c'est quand même Cheikh Saadi, il date de quelques années, probablement il vise بعض المستشرقين. المستشرق c'est كافر من الكفار, لكن il fait des efforts dans l'ilm, la langue arabe, dans le Coran, il est akhiré, pas parce que c'est un mu'min, là, parce que c'est un kafir, imma c'est une passion, imma c'est pour combattre l'islam, imma c'est son métier. Et tu trouves, wa'adhum, ils ont certaines connaissances. Obama, il connaît Shaifi al-Lugha, Shaifi al-Tafsir, Shaifi al-Iman, il est akhiré, ils ont des connaissances, lakin, c'est pas du ilm pour appliquer là, même eux, ils le disent. Ils le disent là, c'est un métier. Mustashriq, ça s'appelle. Aïe, un kafir qui est attiré par din al-shirq ou uloum al-shirq, la langue arabe, le Coran, il est akhiré. Amma, à notre époque, nous sommes khassatan ceux qui sont fi bilad al-kufr. Amma, ba'd al-mustashriqin, kathiran, ils habitaient au Liban, il est akhiré. Ils avaient des notions en langue arabe. Et ils vivaient dans un pays arabe, Robama, ils avaient un peu plus de connaissances que Haoula. Amma, à notre époque, la loura, ou le shay, et il est considéré, c'est un spécialiste de l'islam. Et il n'a aucun lien avec la dîn illa, la ibata, la ilm, ou le shay. Lakin, comme a dit le Cheikh Saadi, isma, qala qad ishtagalu bi shay yassir min ulum al-arabiyya. Wa taraddadu fi qira'ati s-suhuf allati ala mashrabihim. Les connaissances qu'ils ont, ils les ont pris des journaux. Les connaissances qu'ils ont de l'islam, c'est ce qu'il y a dans les journaux. Vu que les journaux, ils accusent Ahl Sunnah, ils accusent Salafiyoun, Anahum, c'est des radicalistes terroristes. Ils disent, ils ne savent même pas c'est quoi. Ahl Sunnah, ou la Salafiyya, ou la Sunnah, ou le Coran, ou la Salaf. Tu lui demandes, c'est qui Salaf, mais il dit. Al-Muwaffaq parmi eux, ou Al-Ladhi, qui a fait un peu d'effort, il te traduira le mot. Salaf, c'est les prédécesseurs. Tu lui demandes, c'est qui? Maïr Statir te cite un nom. Fala tartar bi haoula. Ça nous montre un din, on ne le prend pas des journaux, nous. On ne le prend pas de haoula. À notre époque, wa'adhu an-nas min al-muslimin, ils se font beaucoup de mal avec Internet, les réseaux sociaux, et l'akhiré, et ils écoutent des gens, c'est des koufars. Tout ce qui est lié au complot, ou là, c'est des kafars. On parle si c'est un kafir, si c'est un musulman et retarra bihada, ça reste un musulman jahil, ala kulli hal, on ne prend pas d'eux. Lakin, on parle qu'il y a une catégorie prenne de wa'adul kafar. Khasatan, certains koufars qui étaient connus à l'époque, imma dans le sport, imma dans la comédie, muhim. Et yadhunnun, vu qu'il est connu, vu qu'il a de la facilité à parler, si on prend la langue française, et yadhunnun anna avec lui vont apprendre l'islam. Ayyadan billah. Ayna daras. On ne parle même pas ayna daras ou qu'il a appris. Est-ce que c'est un musulman awwalan? Ça, c'est pas un musulman, fa ibta'id an. Comment tu veux profiter de quelqu'un qui croit pas? Hada c'est min al-ajaib, lakin hakada. Ceux qui s'écartent du Coran et de la Sunna, arubama, ils écouteront haoula. Et le bâd, ils écoutent haoula l'imada, les anahoum, ils critiquent les koufars. Maintenant, haoula, certains qui sont d'aïmen dans le complot, et l'ansah al-ikhwan, de pas rentrer bihad. On n'a pas besoin, nous, de haad. Le koufar, c'est des koufars. Et yamkourouna bil islam, l'ayl nahara, ils détestent l'islam. On n'a pas besoin de toutes ces thèses, il a akhiri, tout ça, c'est du qil wa qal, et c'est bâtel, et c'est fondé sur le jahl, il a akhiri. On n'a pas besoin de haad. Le Coran, il y a des versets clairs qui montrent que les Yahoud, c'est des Khoubatha, c'est des Kavara, c'est des ennemis de l'islam. On n'a pas besoin de ces complotistes qui nous montrent ça. Enfin, vu que parmi ces Kouffars, certains, ils critiquent Israël, ils critiquent les Juifs, ils sont anti-sionistes. Alors, tu trouves Adel Muslimin, ils appuient Haoula, ils les écoutent akthar min al-ulama. C'est pas ça de dit. Si tu vois Wahed, il suit Haoula, i'lam annahu. Et c'est pas ça l'ilm. قال الشيخ سعدي رحمه الله وتمرنوا على الكلام الذي من جنس أساليب كثير من هذه الصحف الردية الساقطة فظنوا بأنفسهم وظن بهم أتبعهم الاطلاع بالمعارف والعلوم فهذا أسمى ما يصلون إليه في العلم. Tu trouves, نعم, بعض هؤلاء أنهم يزون. Ils ont certaines ma'loumat. Imma, à notre époque avec Internet, l'un c'est plus simple. Imma, dans un site, ils ont regardé telle chose. Imma, Emma, ils ont écouté telle chose. Comment tu le trouves? Il répète là, ce n'est pas du ilm. L'ilm, c'est qu'à Allah, qu'à la Rasoul. Ihdhar d'écouter quelqu'un qui ne parle pas avec des adil. Min al-Qur'an ou min al-Sunnah. Ben, ça ne suffit pas. Hatta s'il parle avec des preuves, ihdhar. S'il ne cite pas des paroles de savants, ou il n'a pas un support. Elle m'a parlé, Hakada, et citer des versets, des hadiths, et les expliquer à sa manière, les sortir de leur contexte, c'est min al-inhiraf. Reviens aux savants de la sunna et reviens aux étudiants qui suivent les savants de la sunna. Hada, c'est ça, tariq al-salam. Qala amma al-akhlaq. Leur comportement, l'un. Et, kathirun min al-nas, ils savent très bien, al-kuffar, c'est des kafara. Et ils savent très bien qu'ils n'ont pas d'ilm, ce n'est pas des références. Lakin, ba'dhul muslimin, agdarru bil akhlaq. Ils disent, lakin, ils ont un bon comportement. Lakin, ils ont kada. Hatta ce lakin, ce mais, ils ont un bon comportement, ça a poussé le ba'd à avoir des doutes. Et ça a poussé certains à penser que le kuffar, ils étaient à la haqq. Exactement comme hadha rajul, qui est conseillé dans cette risale. قال فلا تسأل عن أخلاق من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يعتقد الأديان الصحيحة. تقدم معنا أمس أن le bon comportement c'est lié avec العقيدة. فلا تظن أن واحد يلغى un bon comportement si c'est pas un مسلم, si il croit pas en Allah عز وجل, il croit pas au messager صلى الله عليه وسلم, il croit pas au Coran إلى آخره. فلا تظن هذا. Lakin wahed l'an, il peut se poser la question, lakin, des fois on le voit. On le voit, on l'entend qu'ils ont tel comportement. Qala al-Sheikh, rahimahullah, fa inna al-akhlaq nata'ij al-i'tiqadat al-sahiha wal-fasida fa ghayatu ma'inda ha'ula al-tamalluq al-qawli wal-fi'li wal-khudu' al-kadhib lil-makhluqi. Il a cité la réponse, huna. Même si en apparence, tu vois ou t'entends qu'ils ont un bon comportement, c'est min hadha al-bab. At-tamalluq wal-khudu' al-kadhib. Ay an-nifaq. Limadha il s'efforce al-kafir à ne pas mentir, à avoir un minimum d'organisation, la propreté. Il a akhri limadha certains comportements, kadhalik la politesse, mathalan l'accueil, kadhalik. Pourquoi? Il y a une maslaha. Imma c'est pour le tourisme, imma c'est une maslaha par rapport au commerce, à l'industrie, à l'argent, à dunya. Et c'est yati ma'ana anna tout ça c'est fondé sur al-nifaq. Tu ne trouveras pas des hypocrites qu'al-kafara. Aïe des hypocrites min hayth annahum, ils font apparaître une chose et fil haqiqa ils pensent l'inverse. Qala wa hum ma'a hadha al-khudu' as-safil tajid 'indahum min al-'ujb wal-kibr واحتقار الخلق والاستنكاف عن مخالطة من يستنقصونهم شيئا كثيرا فهم أوضع خلق الله وأعظمهم كبرا وتيها. كذلك بالفتح وتيها التيه أي الضلال والتحير. Et les contradictions, ils savent plus trop ce qu'ils disent. Tu trouveras pas wahid yatakhabbat qui se contredit et qui mélange quel kafir. فَمَعَ هَذَا الْخُضُوعَ السَّافِلِ كَمَا قَالَ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهِ تَجِدْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعُجْبِ وَالْكِبْرِ. Ils ont beaucoup d'ujb. Comme ils rabaissent les autres. Vous avez remarqué que l'un, leur société qui est fondée sur le kufr, la démocratie, ils pensent que c'est eux qui sont civilisés. Les autres, c'est des barbares, des arriérés. Ils pensent que c'est eux qui ont compris les choses et qui savent. Les autres, c'est des ignorants. Ils pensent que c'est eux qui sont unis, il a akhiré, qui donnent aux autres les droits, amma les autres là. Ils pensent que c'est eux qui sont justes, les autres, c'est des injustes. C'est pour ça que parmi la plus grande injustice qui est propagée l'un, si tu n'acceptes pas la démocratie, tu es qualifié de terroriste, de barbare, il a akhiré. Vous avez remarqué qu'ils ont fondé cette chose et ils obligent tout le monde à la suivre. Si tu délaisses Hada, il n'y a plus de tolérance. Tu es obligé de suivre. C'est pour ça que la démocratie, c'est min akbar al-tawarit, c'est un tawarut. C'est du kufr billahi subhanahu wa ta'ala. Ça montre en toutes ces choses qui prétendent les droits de l'homme, les droits de la femme, en a, ils veulent notre bien. Tout ça, c'est du kadhib. S'ils voudraient vraiment notre bien, Valimada, tu combats la chose qu'on aime le plus, notre din. Prends l'exemple, madalen, du hijab. Qu'est-ce que ça leur enlève qu'une sœur, elle porte le hijab? Dans des centaines de pays, des femmes, elles portent le hijab et ça pose aucun problème. Des pays musulmans et des pays de kuffar. Et tu trouves certains pays, min bilad al-kufr, annahum yuharibun al-hijab bi shidda wa bi quwwa. Pourquoi? Il est où le problème? Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est hada. Kibrun wa tayhun, ils se contredisent. Wa hiqdun, la haine envers le musulman. Et hakada ujb. Pour eux, si tu prends la femme, ils ont un modèle pour la femme. C'est la liberté, elle a le droit de se dévêtir, ils veulent la mettre égale à l'homme. Et là, après, ça c'est leur modèle pour la femme. Si tu viens étudier Hada, là, je sais qu'il y a beaucoup de mal. Là, avant de citer, on vient au modèle de l'islam, la femme. C'est ça la femme de l'islam. Elle reste à la maison. Sa place, c'est la maison. Et elle a le droit, bien sûr, de sortir. Lakin, Ghaliban, elle est chez elle, elle s'occupe de son mari, de ses enfants, il a akhir. Kadhalik, elle doit se couvrir pour la préserver. Kadhalik, si elle voyage, elle doit voyager avec un mahram pour la préserver. Kadhalik, elle n'a pas le droit de se mélanger à des étrangers, les anna, ils pourront lui faire du mal et ils pourront la prendre comme objet. Si tu prends les deux modèles, un, c'est lequel qui est fondé sur les droits de la femme? Avant de répondre, pour avoir la réponse, regarde la femme. Dans un pays musulman, Satan en parle, qui accepte et qui pratique ces choses. Pour que l'exemple soit clair, la femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était préservée chez elle en tant que fille, thumma en tant que sœur, thumma en tant que femme, épouse, thumma en tant que mère. Elle était préservée. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un rang azim, plus que le père. Et la femme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'était pas considérée comme un objet, walillahil hamd. Tu entendras pas dans les livres d'histoire, on a telle femme, elle a subi telle chose, il a akhiri, abadan. Les femmes, walillahil hamd, elles étaient dans leur foyer et elles ont éduqué des hommes. Ça, c'est le modèle de l'islam. Prends la femme, l'an, inda al-kuffar, à notre époque, avec la démocratie. C'est devenu comme un objet, yadam billah. Elle est insultée, elle est rabaissée. Ils veulent qu'une chose, c'est profiter d'elle. Et elle n'est plus à sa place. Hatta ba'd al-kafirat, elles admettent hada. Pourquoi on reviendrait au modèle de Ha'oula, le modèle occidental, et on ne reviendrait pas au modèle de l'islam? Limada. En résumé, si toi, tu dis là, matalan, inda kafir, tu dis là, la femme, elle doit rester au foyer, c'est ça la base, elle a le droit de sortir, lakin, sa place, c'est la maison. Elle doit se couvrir tout le corps. Et si elle voyage, elle doit voyager avec un mahram. C'est lui que c'est trois. Automatiquement, il va te rabaisser. Normalement, selon leur principe, il doit te dire, t'es libre, c'est ton avis, j'accepte. Il a akhiri. Quand tu touches ce point, radicaliste, il a akhiri. Alors que nous, on ne dit pas qu'ils sont à l'akhir, et on ne se contredit pas. Nous, notre dîn, il nous montre, la femme, elle doit faire hada. Fali hada, c'est un kafir. Il nous dit, est-ce que la femme, elle doit se dénuder? Ah, ou elle peut se dévêtir? Il a akhir. On ne va pas dire que vous êtes libre. Là, notre dîn, il a interdit hada. On dit non, c'est interdit. Lakin, vous avez remarqué la contradiction. On est libre, il a akhir. Lakin, quand c'est un modèle qui n'est pas le leur, indahum, c'est une jarima azima. C'est ça. L'explication de l'ujb et le kibr. Pourquoi ils prennent de haut les muslimines et ils les rabaissent? Que ce soit avec la femme, on peut citer plein d'autres exemples. Les hommes, ils pensent que c'est eux qui ont le haqq. Ils pensent que c'est eux qui comprennent. Les autres, ils ne peuvent pas avoir compris. Donc, vu qu'ils ont instauré ce système, la démocratie, tu n'as pas le droit de sortir. Si tu sors, tu n'acceptes pas. Yuharibouna, qui te combattront, ils t'accuseront. Il faut bien comprendre ça. Les koufars, cette démocratie qu'ils essayent de propager, c'est pas pour le bien des musulmans. La démocratie, elle a été fondée pour une chose, combattre Dine. La réelle, pas pour autre. Ils ont combattu le christianisme, et vu que le christianisme et le judaïsme, ils ont plus de fondement, il a akhiré, et ils ont plus de suiveurs, il al-qalil, الآن leur cible numéro 1 c'est l'islam. قال ثم إنهم يستعينون على هذا الخلق المسمى عندهم بالثقافة بالتصنع والتجمل بالملابس والفرش والزخارف ويفنون كثيرا من أوقاتهم بذلك وقلوبهم خراب خالية من الهدى والأخلاق الجميلة فالجمال الظاهر الباطل ماذا يغني عن الجمال الحقيقي مع هذا ce bon comportement إلى آخره il est embelli مثلا في بلاد الكفر. Les routes, c'est propre, tu les vois, ils sont organisés. Ils donnent beaucoup d'importance à Dunya. Limada. Awalan li annahum la yu'minuna bil akhirah. Fait tous leurs efforts, c'est fait de Dunya. Contrairement aux musulmans. C'est pas un problème s'il y a quelque chose dans la rue, il y a un papier qui est jeté par terre. C'est pas un drame, hada. C'est pas un drame, malgré que notre dîn, il nous conseille, il nous ordonne la propreté et la akhirah. Lakin, on va pas juger que sur ça. Contrairement aux kuffars. Kadhalik, هذا الجمال cette propreté cette organisation ces soi-disant droits si c'est fondé sur le coffre à quoi ça va servir si on dit min bab al jidal min bab al tanazzul ma haoula on dit na'am fi dunya mashallah ils ont avancé plus que les musulmans ils sont à la khair si on prétend tout cela alors que c'est faux la question si le prétend après leur mort ça va servir à quoi on dit que les musulmans ils vont souffrir toute leur vie chaque musulman va souffrir Maintenant, la durée de vie, un de ces 70, 80 ans, on qadr, tu vas souffrir. Le kafir, avec leur système, leur modèle, il a akhiré, ils vont bien vivre. Et après les 80 ans, mada c'est valou. Ça nous montre, l'essentiel, c'est l'akhira. L'essentiel, c'est l'aqida. C'est pas l'apparence, faqat. Qala, fal jamal al-zahir al-batil, mada yugni anil jamal al-haqiqi. Al-jamal, c'est la beauté. Fal l'apparence, si l'intérieur, c'est sale, avec le kufr ou le shirk, à quoi ça va servir cette beauté en apparence, cette propreté en apparence? Même le musulman, même s'il est prouvé, il a akhiré en apparence, il a le jamal al-haqiqi. La beauté, c'est quoi? C'est l'islam. C'est le tawhid, c'est l'iman. قال ثم إذا لحط إلى غاياتهم ومقاصدهم فإذا هي أغراض دنية ومقاصد سفلية ومطامع شخصية. Si tu viens à creuser et à regarder pourquoi ils font tout ça, tu trouveras, yadam billah, des intentions très très mauvaises. Ils veulent avoir le dessus, ils veulent rabaisser les autres, comme ils l'ont fait. On a déjà cité le colonialisme, l'esclavage, et autre chose. Enfin, si tu viens à creuser, ils ont des objectifs bien précis. Et leur objectif, c'est contre l'islam. Qala, wa idha sabarta ahwalahum. Sabarta, ay, si tu étudies, tu connais bien leur situation, رأيتهم إذا اجتمعوا تظنهم أصدقاء مجتمعين فإذا افترقوا فهم الأعداء تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Et ça, c'est un point très très important qui montre أن الكفار c'est des menteurs. فلا تغتر avec leur comportement. أولا لا تظن أنهم ils sont unis. Ils essayent de le faire, des unions entre pays, il a akhiré, lakin wallahi, ils se détestent, entre eux. Hada, tu le vois à petite échelle. Tu le vois beaucoup, si on prend l'exemple, au travail. Et vous l'avez vu, hada, vous l'avez entendu. Tu trouves un kafir, au travail, maintenant, tu peux le voir parler avec un, et sourire, et un tatadun al-nahum, c'est comme des frères. Thumma, il tourne le dos, khalas. طعنون وسبون يسموك إذا كريتيكي فام أنفان لا يترك أحد مسلم لا صف أن مسلم كي أفبلي تأثر بهؤلاء أما تتخوف المسلمون ولله الحمد beaucoup d'entre eux ils n'ont pas هذا quelque chose qui ne va pas il lui dit en face et s'il ne l'aime pas tu le vois peut-être qu'il ne lui passera même pas le salam أما هو لا il va venir il va te serrer la main ربما il va rigoler avec toi. Quand tu tournes le dos, tu trouveras un autre, tu vas t'informer. Il a dit sur toi. Et un tête à tête, tu te dis, c'est pas possible. Là, ils ont été éduqués. Ça vient de quoi, hada? C'est le dha'f. Tu ne trouveras pas un shadd dha'f min al-kafir. Plus faible que le kafir, tu ne trouveras pas. Leur imam, Iblis, il a été qualifié de dha'f. Fa hum min babi awla. فَلِهَذَا لَا تَغْتَرْ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Ils se détestent. Si tu prends au niveau de l'afrad, dans leur famille, la akhiri, ils se détestent. Entre voisins, ils se détestent. Ce qu'ils essayent de faire croire, hein, ils sont unis, l'union de Kada, c'est que du Kadib. Mais le musulman, la chaque, il y a des faiblesses, mais tu trouves du khayr fi hada al-bab. Ce qu'on appelle la nasiha, le conseil, ce qu'on appelle l'ukhuwa, la fraternité. Fillah. Prends un autre exemple. Rubama hada al-kafir. Il faut bien différencier entre deux choses, il y a ikhwan, pour comprendre. Entre al-afrad, les personnes, et ce qu'ils prétendent comme leur société, leur modèle. Maintenant, un bilad kufr, tu vas trouver un où il est fondé sur la démocratie, les droits, et ils ont des devises, liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est l'apparence, c'est des slogans, c'est qu'il waqa. Regarde l'afrad. On a cité l'exemple, l'hypocrisie qu'ils ont entre eux. Kadalik ta'awun. Tu trouves, tu peux prendre l'exemple kadalik au travail. Et là, on l'a vu, et vous l'avez vu, tu peux trouver maintenant un kafir, il oublie. Il a oublié d'emmener à manger ou à boire. Wallahi la ahad yu'tiquhu abadan. Ils ont été élevés hakadha ayyadun billah. Aina al-akhlaq? Aina le bon comportement, la tolérance, l'humanité, les droits? Rubama il mange et il le regarde. Et huwa il regarde. Hadha 'inda afsaq al-muslimin, tu le trouveras pas. Bel, même c'est déjà arrivé dans ce cas, un musulman il est dans la pièce et il propose à ce kafir. لماذا لأنه يستحي à sa place. كيف il le laisse et il mange pas. Amma al-muslim avec son frère musulman, abadan. Dès qu'il a, c'est automatiquement le partage. Amma haoulala. Et depuis qu'ils sont petits, c'est hakada. Ils ont été éduqués à la hada. Alihada, ceux qui se sont convertis, sont rentrés dans l'islam, c'est une ni'ma azim. Même si peut-être qu'ils avaient été éduqués à la hada, l'islam ça change tout. En quelques temps, ils effacent tout ça. Et après, ils sont avec le partage de leurs frères. Là, tu regardes leurs enfants, à l'école, ils sont tout petits, il n'y a aucun partage. Il y en a le père et la mère, ils lui apprennent hada. Tu donnes rien, il a akhiri. Le musulman, il aime le khayr. Tu trouves des petits, il donne tout aux autres, il reste sans rien. Fala tartar, c'est ça, la haqiqa. Les slogans, c'est très simple. L'apparence, c'est encore plus simple. Les prétentions, tout le monde peut dire. Lakin al-haq, c'est ça que Shir Saadi l'a expliqué bien différencié entre le mu'min et le kafir, entre le pays musulman et le pays de kufr. Qala wa ma wasaftu lak min ahwalihim wa anta ta'rif dhalik ay an-nasih et par le mansouh, ces choses que lui a détaillé l'un, ay la situation des kuffar, et anna le bon comportement c'est que du mensonge. Al-haqiqa, c'est les pires, que ce soit au niveau comportement et autres. Faqal wa anta ta'rif dhalik. Ay, tu sais hada, limadha li anna al-mansur, celui qui est conseillé, il a vécu ma'a al-kuffar. Qala qalilun min kathir. Hada al-haqiqa, c'est très peu. Et les explications, les exemples qu'on a cités ensemble, kadhalik, c'est très peu. Mais si on vient parler de hada, on va continuer des heures, citer des exemples dans tous les domaines. Dans l'éducation, on a cité l'école, dans le travail, on a cité, dans le domaine du sport, dans la rue, dans l'administration, partout, tu trouveras des choses ajibes. Amma, certaines choses, on le répète, naam, ils combattent les madali, anna, c'est pour leur maslaha. Maintenant, pourquoi ils combattent la corruption, malgré qu'il y a de la corruption, fi bilad al-kufr. Pourquoi ils ont beaucoup combattu la corruption, khasatan, au niveau du shab, ça fait beaucoup de mal à l'économie. Et ils ont su que ça allait les arriérer par rapport aux autres. Ils ont combattu la corruption. C'est pas l'illah. Tu trouves dans les pays musulmans, peut-être qu'il y aura plus de corruption. À bas échelle, on parle. Mais chez les responsables et tout, il y a de la corruption beaucoup. Mais tu trouves, عند المسلم, peut-être qu'ils ont de la corruption à bas échelle. Mais alhamdulillah, le khayr, il est hasil malgré cela. Et on doit essayer de l'enlever chez nous. لكن pour te montrer فقط un aperçu et une comparaison. قال فكيف ترضى ان يكون هؤلاء احبابك واصدقائك ترضى لرضاهم وتسخط لسخطهم وتقدمهم على حظوظك الحقيقيه وسعادتك الابديه. Après avoir cité, montré l'état de ces kuffars, الناصح, et celui qui conseille, il dit à son frère الان qui est conseiller, فكيف ترضى, comment tu acceptes après cela que Haoula ce soit tes proches, tes amis, tes fréquentations? Ça nous montre qu'un musulman ne doit pas avoir d'amis kafir. C'est incompatible. Tu peux avoir de la famille même. Et si c'est ta famille, certains les parents, enfin, un bon comportement, t'essayes de les appeler à l'islam avec aqidat al-wala et al-bara. Qa'imatun, que ce soit avec les proches ou autres. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Même si c'est leurs parents. Bourde billahi azza wa jal par rapport au din. On les déteste par rapport à ce kufr qu'ils ont et qu'ils n'acceptent pas l'islam. Lakin, en même temps, celui qui a des parents kuffar, il les aime, c'est ses parents, et il fait tout pour leur montrer le haq avec le bon comportement, l'ilm, etc. Amma, avoir des amis kuffar, l'imad, celui qui connaît son din, c'est impossible. Est-ce que tu as déjà vu wahed, il a un ami, et cet ami combat ses parents, et combat ses enfants, et il déteste sa femme, et il déteste sa famille, et il les insulte, et il se moque. Amadan, tu trouves n'importe qui, il va éloigner cette chose. Comment je vais le prendre comme ami et il respecte pas les gens que j'aime, il a akhiri. Fakif, tu vas le prendre comme ami et il croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a pas voulu croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il veut pas croire au Coran. Rubama, tu le trouves un sekevr, il fait partie de Haoula qui appelle à la liberté totale. On a le droit de se moquer de qui on veut, on a le droit d'adorer qui on veut. Fakif, tu vas prendre hada najis comme ami. Ça nous montre qu'on a tes amis, c'est tes frères mu'min. Ton frère mu'min, et t'essaies d'avoir des fréquentations, des gens, des personnes pieuses. Et même si c'est un mu'min qui a des défauts, ça reste un mu'min, c'est ton frère. L'iman, il y a un lien entre toi et lui, c'est l'iman. Et ses défauts, tu le conseilles, et lui, kadalik, il te conseille, et vous patientez l'un sur l'autre. Amma kafir, qu'est-ce que tu vas gagner de lui? Et kadalik, n'oublie pas, on a cet ami kafir, du jour au lendemain, il y a ta'an fik. Comme, minannas, certains musulmans, ils ont essayé de se rapprocher des kuffars, il a akhiri kama taqaddam ma'ana, et du jour au lendemain, le kafir, il n'a pas de cœur. Du jour au lendemain, Obama, il le laisse. Ou ta'an, ou il l'accuse, ka annahu, il l'a jamais connu. Wallah, amma inda al-muslim, il reconnaît le khayr. Même si c'est un vasir, même s'il est loin du din, tu le trouves, il a un minimum. Amma le kafir, le minimum, il l'a pas. Al-imad, allez prendre comme ahbab ou asdiqa. قال فانظر إلى صفاتهم نظر التحقيق والإنصاف وقارن بينها وبين نعوت البررة الأخيار الذين امتلأت قلوبهم من محبة الله والإنابة إليه والإيمان وإخلاص العمل لأجله وفاضت ألسنتهم بذكر الله والثناء عليه خاصة si tu as comme fréquentation صالحون علماء أو طلبة علم Akhiyar qui font des efforts fidinillah, tu verras une énorme différence avec le kuffar. L'imad al ton frère, il aime pour toi ce qu'il aime pour lui. Ton frère, même si tu te trompes, il ne te rabaissera pas. Belle, il t'aidera. Tu oublies, il te rappelle. Tu te trompes, il te montre. Ouah, regarde ton frère. Amma kafir mujrim là. Tout ce qu'il va dire et ses positions, c'est par rapport à ses mansalih. Le jour où il n'a plus besoin de toi. Oh, le jour où il peut se passer de toi, ne t'attends pas à quelque chose de lui. Abadan. Et là, ce qu'on a fait, al-muslimin, il y a un naqs fait. Il y en a les sifats qu'il a cité sur al-Sa'di, rahimahullah, al-inaba, wal-iman, wa-ikhlas, l'amal, les ajli, amal-iman, wal-ikhlas, alhamdulillah, c'est موجود في جميع المسلمين. Lakin, wa-fadat al-sinatuhum bi-dhikrillah, il-ijtihad fil-ibadah. Tu trouves un naqs fait, al-muslimin, lakin, alhamdulillah, il reste du khayr. Amma délaisser hada et fréquenter haoula al-mujrimin qui n'ont rien de tout cela, iyadan billah, c'est pas min al-insaf. Alihada qawluhu fandur ila sifatihim nadhar al-tahqiq wal-insaf. C'est pour ça que le musulman, avant de parler, avant de prendre position, il doit bien reconnaître, étudier la chose bi-insaf, être juste. Kama taqaddam ma'ana dans les doros, amma regarder que les points négatifs des musulmans. Les musulmans, ils ont, pardon, ils sont hakada. Khassatan, quand ils viennent dans un pays musulman, ils regardent que les défauts, comme taqaddam ma'ana. Annahum, ils font, annahum. Quand ils vont vivre al-kufr, ils citent que les bonnes choses. Annahum, mashallah, ils sont organisés, annahum, yakada, yakada. Pourquoi tu cites pas, annahum, yuharibun al-islam, y'a pas l'adhan, ils combattent le hijab, ils combattent al-muslimin, ils combattent les enfants des musulmans, ils détestent le prophète, sallam, ils se moquent de lui. L'imad à tout ça, c'est pas cité. Enfin, celui qui est munsif, il pourra faire en aucun cas la comparaison entre Bilad al-Kufr et Bilad al-Muslimin. Qala, wa ishtaghalat جوارحهم في كل وسيلة تقربهم إلى الله وتدنيهم من رضوانه وثوابه ونفع الخلق. Bien sûr, avec un tafawud بين المسلمين. بعض المسلمين sont قوي في العبادة وفي الإخلاص, et d'autres ils ont des faiblesses. قال أشجع الناس قلوبا وأصدقهم قولا وأطهرهم أخلاقا وأزكاهم عملا وأقربهم إلى كل خير وأبعدهم من كل شر. Par rapport aux kuffar, tu trouveras un al-muslimin, wallahi alhamd, ils font beaucoup plus d'efforts. Limaada, lianahum c'est des mu'minun. Alihada, nahnu, on ne doit pas regarder que les efforts de dunya. Anna, les kuffar, ils ont fait telle chose, ils ont inventé telle chose. On regarde que le matériel. Thumma, tu vas dans bilal muslimin, tu trouveras une différence. La shak, on ne peut pas le nier. Il y a une différence entre les pays de kuffar et les pays musulmans dans le matériel, dans la technologie, ila akhir. Lakin, c'est pas ça l'essentiel. Alhamdulillah, le khair moujoud dans les pays musulmans. Tout ce qu'ils ont d'essentiel, on l'a, walillahi alhamd. Les choses qu'on a besoin, c'est moujoud. Lakin, regarde, ma yata'alak bid-din. Muslimoun, walillahi alhamd, yawm al-jumu'ah. La plupart, walillahi alhamd, dans les pays musulmans, ils font salat al-jumu'ah. En Ramadan, la plupart, ils font siyam. Walillahi alhamd, jami' al-muslimin, ils aiment le Rasoul, ils aiment Allah. Il y a des faiblesses dans beaucoup de choses, lakin, le khair, il est moujoud, ne pas oublier hada le khair. Qala, يكفون عن الخلق الأذى ويبذلون لهم ويصبرون منهم على الأذى. أي المسلم كي applique les textes, أي كلام الشيخ سعدي هنا, si le muslim il applique les textes, il sera على هذا الوصف. C'est pour ça que tu trouves des muslimin ou les hamdi, ils font beaucoup d'efforts, ils appliquent هذا, d'autres moins. أما الكفار, ils ont pas هذا, ils ont, c'est pas leur modèle, c'est pas leur principe. قال أفتقدموا على هؤلاء الأنجاب الغرر من ملئت قلوبهم من الشك والنفاق وفاضت على ظاهرهم فاكتسبوا لذلك أرذل الأخلاق. Est-ce que tu vas comparer ce musulman qui aime Allah, qui aime le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait des efforts malgré tout, malgré ses faiblesses, est-ce que tu vas le comparer avec un mulhid, najis? Le fait qu'il ne croit pas en Allah, qu'il ne croit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne croit pas au Coran, ça doit te suffire. Et avec tout ce qu'il a en plus, comme une hiraf ou un dhalal. Qala yaqoumouna bin nifaq wa riya wa yaq'uduna bit tamalluq wal i'jab wal kibriya. Yaqoumouna bin nifaq, il se lève avec l'hypocrisie wa riya, et daima le kafir il se montre, il veut se montrer. Qala wa yaq'uduna bit tamalluq wal i'jab wal kibriya, il se lève avec l'hypocrisie, il s'assoit avec l'orgueil. Ça, c'est un mital pour te montrer un alors hal, imma hypocrisie, imma orgueil, imma rabaissement, hakada, al-kufar. Qala wasfuhum al-qaswa wa al-tam'u wa al-jasha'. Et on a cité des exemples. Al-qaswa, c'est la dureté du cœur. On a cité un exemple dans le manque de partage. Al-tam'a, c'est ils espèrent toujours les biens d'un autre. Et kadalik hasad wa hiqd. Al-kafr, si tu le dépasses, et hada kadalik, si on peut citer l'exemple du le monde professionnel, le monde de l'emploi, tu le dépasses. Rubama, quand tu étais inférieur à lui, en dessous de lui, peut-être qu'il va parler avec toi, il va te donner du temps. Quand tu le dépasses, khalas, tu le vois dans son visage. Amma al-muslim, khasatan al-muslim qui a des connaissances de son dîn, qui s'efforce à appliquer son dîn, si son iman il est qawi, sayafrah, il va être content pour toi. لماذا؟ لأن سي الله سبحانه وتعالى كي تأيلوفي دون سو دومين. أما الكافر لا ثم يبقى كومونسي أتنوير أتكريتيكي أتصالير حتى بور تنوي دو سيت بلاس. هكذا الكافر. قال ونعتهم الكذب. نعتهم سي سينونيم دو وصفهم. النعت سي الصفة. قال ونعتهم الكذب والغش والبهرجة والخنوع. الخنوع أي الخضوع. C'est ça leur awsaf, kadiboun wa ghish. Al-kafir, il trahit très rapidement. Kadib, amma le mensonge. Il va te dire aujourd'hui une chose, demain il va te dire là, j'ai pas dit. Alors il va te critiquer vers un autre, l'autre il va te rapporter, il va te dire là, j'ai pas dit. Limaad al-kadib, c'est sahl ala al-kafir. Limaad al-anna, la yu'min billah. Ce qui empêche le mensonge, wa nifaq, la trahison, c'est le khouf min Allah. أما الكافر يفتدي غن شو ثم يفتس كنترير لماذا لأنه لا يؤمن بالله أما المؤمن لا يسك الله اللي فوا يسك الله اللي انتون يسك اللي أغن ديكون فبلسون إيمان اللي قوي يا سمؤمن بلسك أختر دو كذب. قال قد منعوا إحسانهم لكل مخلوق واتصفوا بكل فسوق. On peut se poser la question, hein, لكن ils font des choses pour les autres, pour certains pays, pour certaines classes de la communauté, les pauvres, ceux qui sont en besoin. Tu entends et tu vois le kafir, il donne. Il y a des institutions, il y a des associations, il a akhiré. Et là, le cheikh قال وقد منعوا إحسانهم لكل مخلوق. Et là, quand le kafir il donne, c'est pour recevoir. Il ne donne pas l'illah. Quand ils aident, maintenant, tout ce qui est lié avec les réfugiés, ils les aident, c'est pour que demain ou après-demain ou dans quelques temps, ils travaillent pour eux. Les madal, il y en a dans certains pays de Koufar, il y a beaucoup de vieux, ils ont beaucoup moins de jeunes, ils ont un problème dans le monde professionnel, ils pensent aux générations futures, ils savent que haoula, ils pourront être utiles plus tard. Falihada, amma, ils les aident, lillah. خاصة si fait apparaître un din. لأن هذا الإحسان si tu fais apparaître ton din, là ils feront tout ce qu'ils peuvent pour ne pas te donner ou lâcher. Et un musulman, aslan, il espère rien de haoula, il demande rien à haoula, il fait tout pour s'écarter de haoula. قال قد خضعوا في بحوثهم العلمية لكل مارق وتابعوا في أخلاقهم كل رذيل وفاسق. Et tu le vois الآن الانحلال qui vive. قوله واتبعوا في أخلاقهم كل رذيل وفاسق. ما من فكر خبيث إلا tu le trouves الكفار إلا بخير. L'homosexualité, la mixité. Et كم من عظائم الآن ils ont. تفلت. Tout est permis. عياذ بالله. Des choses تستحي من ذكرها. Dans ce dars tu ne peux pas les citer. تستحي. Et هم يبخل. Chaque nouvelle mode, chaque nouvelle pensée. Et tu trouves fumé l'alcool et il l'accueille. Et quand c'est l'islam, matalan, ta'ammalou, ils ont accepté l'homosexualité. Dhambun wa jurmun azim. C'est très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala ahlaka qawm lout à cause de ce dhamb. Ils l'ont accepté. Indahum l'an. T'as plus le droit de critiquer. Si tu critiques, tu risques telle chose. Et quand c'est l'islam, ils entendent la polygamie. Alors que la polygamie, c'est un mariage. Il est où le problème? Si la femme elle accepte et l'homme il est capable, il y a des bienfaits, des mérites. Il y a certaines femmes, elles ne peuvent pas se marier pour certaines raisons. Et certains hommes, ils pourront les accepter en tant que deuxième. Dans certains endroits, les femmes, elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Enfin, si chaque homme il se marie qu'avec une femme, certaines femmes, elles vont rester seules. Tu peux citer des mérites, des bienfaits, beaucoup dans la polygamie, ils combattent. Limala, l'annahu, ça vient de l'islam. Il y en a le din qui appelle clairement la polygamie, c'est l'islam. Pourtant, il y avait la polygamie dans le judaïsme, dans le christianisme. Lakin un, c'est devenu l'islam qui appelle à hada ouvertement. Et tu les trouves, madalan, si wahed, il est marié et il fait zina avec une deuxième femme, une troisième femme, ou ayyadun billah, l'échangiste, c'est là, t'es libre, il a akhiré. Alors que la polygamie, avec tous les bienfaits, yuharibunaha. Ça te montre anna al-kafir il est attiré par shir et il déteste l'islam. La taghtar biha oula. Ne pense surtout pas anna al-kafir il est à la shay. Que ce soit au niveau comportement, bien sûr au niveau de din. La tazun. Hala abadan. Al-kafir il est haqir. Al-kafir, nous on doit lui donner aucun poids. On le déteste fillah. Et nas'alullah subhanahu wa ta'ala yakfina sharrahum. Naktafi bihada. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك